c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais, comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais, comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est une signature sans rature, efficace dans l'écriture. D'un stylo plume, je jette l'encre et tu m'appelles la raclure. Pourquoi ça? Parce que je dérange, parce que je suis un peu trop simple. Parce que je reconnais mes visions, que je suis bien loin d'être un saint. Mais tu respectes car tu le sais, le monde il est à moi. Si tu veux posséder le monde, sache que tu perdras la face. Et ça casse tout, quoi, ça casse tout. D'être à ma poule et ça casse tout, bah ouais. C'est vrai, je m'habille pas toujours comme vous. Désolé aussi si j'écoute pas que du hip hop. C'est que je suis pas fermé, musique aux notes, pas des menottes. L'homme a rien appris, mais j'ai appris en regardant l'homme. Morné c'était ma vie, mais j'ai bâti ce qu'on appelle l'âme. Je me dirige sans boussole comme un pirate dans sa conquête. Je crache sur les mauvais pour qu'ils se noient dans leur tempête. Vous avez créé le mal, vous avez pillé la morale. Vous voulez écraser les plus faibles pour avoir la médaille. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. Le monde il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est... D'après les théorèmes, DEL égale BOSS. Tu grattes trop l'amitié, moi je gratte des tas de 16. Je suis tellement haut que mes ambitions deviennent des gratte-ciels. En haut de l'échelle, je reste stable, constate l'absence d'échec. Je veux des chèques et des pièces, je veux voir que je pèse. Je veux que la balance baisse, je veux finir dans un 8 pièces. Je vais faire payer les gars qui ont voulu me faire payer un feat. Je vais te faire enrager comme si tu devenais un beat. Fais pas de fleurs frérot, chez moi c'est pas les roses qui manquent. Mon rap est une vraie bombe, sauf qu'il est pire qu'Hiroshima. Dans mes schémas, je te fais très mal, y'a pas d'héros chez toi, y'a pas d'héroïne chez moi, donc vas-y, tu peux me chier. La hola, hola pour des EL Rital. Ova, ovation pour mes prouesses vocales. Tu tournes en rond, c'est pire qu'un poisson dans son bocal. Avale mes rimes, pop, déflagration buccale. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. T'as passé ce jungle, je sais bien que c'était Watt qui cède. Un vrai lion est né dans cette jungle, sauf que c'est plus du Walt Disney. T'as mis le baggy donc forcément, là tu te prends pour 50 cents. Sauf que c'est pas crédible, tu crunk dans la langue française. Pas le pouvoir de dire des choses qui plaisent, sauf que moi je dis vrai. Et gros c'est ça qui pèse, impossible de me vexer. J'ai confiance en ce que je fais, moi je suis sur le trône. Alors que toi t'es dans tes WC. Je suis seul à dit, berger, vous vous êtes bien ancré dans une société où quand tu mens t'es sûr de gagner. Tribal King, c'est que des putains de string. Tribal King, Tribal King, Tribal King. Tribal King, c'est que des putains de string. Et en plus ils sucent le hit machine. Eh les gars, vous avez même pas censuré là. Mais merde, putain, vous faites quoi là? Putain, bordel. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. C'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Oh, ça c'est une histoire de pouvoir. J'nique le monde, il est à moi. Mais c'est pas ça, je sais comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça.